C'est la chronique du Marco Sport de Saint-Félicien avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, il y avait une pause, on n'a pas fait de chronique la semaine passée. Il y a eu un seul match du côté du Marco Sport. C'était une défaite de 4-2 contre les Saguenay. Mais c'est une bonne équipe, les Saguenay, hein? Oui, une belle équipe. C'est sûr que moi, j'avais plusieurs joueurs qui jouaient pas, dû à des blessures. C'est pas ça qui a fait qu'on a perdu. Là. On s'est tout simplement pas présenté là, contre les Saguenayens le vendredi soir dernier là, à Saint-Félicien. On n'a pas matché là, l'intensité des Sags durant ce match-là. Donc, c'est sûr que ça on a payé pour, comme on dirait. Je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Là. Je pense que on n'avait pas connu de défaite là, encore en temps réglementaire de la saison. Ça va peut-être faire du bien là, à l'équipe à se replacer là, dans le droit chemin, comme on dit. Oui, mais Jason, on a manqué un bout, ça a coupé. Est-ce que, donc, tu avais plusieurs blessés, c'est ça, puis tu as eu plusieurs PE? Non, j'avais juste un PE, mais j'avais j'étais pas en alignement complet là, dans notre soir. Je pense que j'avais 7 joueurs d'avant, 6 défenseurs là, avec un PE à l'avant, un PE à défense. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est pas ça qui nous a fait, qui a fait la différence. OK. Donc, dans ce match-là, je vais aller chercher... dans ce match-là, du côté du Marco Sport, les buts ont été marqués par Alexis Bradette et Antoine Niquette. Oui. Donc, c'est ce qui a marqué les buts. En fin de semaine, ça dit quoi du côté du Marco Sport? Un seul match. Là, on rend visite là, samedi au National de la Baie, là, à la Baie. OK. Donc, la Baie, c'est une équipe moyenne, c'est ça? Oui, c'est une équipe là, fond de classement, comme on peut dire. Ça peut être un match piège, ça. Oui, ça peut être un match piège, comme on peut dire, mais on n'est pas supposé d'échapper ce match-là, mais encore une fois, si on a perdu contre les Saguenay, c'était en fin de semaine dernière, vu qu'on ne s'était pas présenté, bien présenté. On va voir là, samedi, quelle sera l'intensité qu'on aura, mais j'espère juste que nos joueurs se rendront là, pour revenir là, sur le droit chemin. OK. Dis-moi, Jason, Charles Tremblay a été confirmé, il va être là après les fêtes avec les Saguenay de Chicoutimi. Pourquoi je te parle de Charles Tremblay? Oui. C'est parce qu'à pareille date l'année passée, il était dans le Marco Sport de Saint-Félicien. Est-ce que ça donne l'espoir pour certains autres joueurs? À quelque part, c'est pas si mal. Puis Charles fait bien là, avec les élites, là, c'est amélioré beaucoup. Oui. Est-ce que ça donne espoir à certains autres joueurs? Ben, c'est sûr que ça donne espoir à d'autres joueurs, là, même dans d'autres équipes là, de la ouais. C'est sûr que ça donne des espoirs là. Que c'est pas juste à cause que tu joues Jet 2B que tu peux pas aller un petit peu plus loin dans l'hockey. Là. On voit que Charles va finir la saison avec les Saguenay. C'est un gros plus là, pour la région puis la Ligue MS Jet 2B qui voit ça. OK. Est-ce que tu en vois dans l'équipe? Est-ce que tu en connais qui aurait du talent qui pourrait être essayé après par les élites ou même par les seniors cette année? C'est à eux de voir. Moi, c'est sûr que j'en aurais, mais c'est pas moi qui décide. Moi, c'est sûr que j'ai une des bonnes équipes dans la ligue. Donc, c'est sûr que s'ils veulent venir puis ils ont bien beau, c'est sûr que j'ai des bons joueurs. Donc, c'est eux. Ils gagneront pas plus dans les troisième année, hein, c'est des petits 7 ans, ils vont venir plus dans les 15-16 ans. OK. Ben Charles, on va se parler la semaine prochaine. Tu fais pas mal le tour pour cette semaine? Oui, merci. Donc on se parle la semaine prochaine. Donc c'était la chronique du Marco Sport de Saint-Félicien avec Jason Lajeunesse.